Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'taynâkel kevser. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka huwal abtar. Celui qui te hait sera certes sans postérité.